choisi d'être esclave au nord. Ben, c'est ça, je veux dire. Bon. C'est-à-dire que plus on se conscientise, plus on se conscientise. Bon, on va donner un exemple. On va prendre Davio. Davio va dire, oh, moi, les conférences, je ne vais pas aux conférences, il y a trop de monde. Tu viens voir chez nous. Quand Davio me dit ça, suis content. Parce que Davio, il dit, il parle partie d'ici. Fait qu'automatiquement, je suis content parce que je suis dans l'intelligent. Comprends le même mécanisme, là? Alors, vous autres, entre vous autres, dans les années qui vont venir, ça va être la même chose. Vous allez être obligés de voir objectivement votre relation avec ceux qui vont vous côtoyer, et vous allez être obligé de voir pourquoi vous, pas vous êtes ici, parce que je pense pas que, mais pourquoi ça clique pas, ou pourquoi ça clique trop, pour pouvoir le couper, ça. Accélérer la non-emprise de l'espace sur les autres. C'est ça. Quand le mouvement va commencer, le fait de le voir, ça, c'est quelqu'un d'autre. À un moment donné, quand ça va se produire sur les autres, on va le voir. C'est ça. Faut le voir. On peut pas se permettre, nous autres, de nous aimer trop. Puis on peut pas nous permettre, nous autres, de nous aimer pas assez. Il faut être juste entre les deux. Si on s'aime trop, mais à ce moment-là, on va perdre d'énergie. Si on s'aime pas assez, c'est parce qu'il y a de la personnalité qui brouille. Il y a du monde parmi vous autres qui sont pas faciles d'aimer. Elle, c'est un exemple. Pour l'aimer, elle, faut être bien mental. Faut être bien mental. Parce qu'elle est froide, elle est comme de la glace. Puis elle est pas froide. Mais c'est comme si elle est froide. Mais si t'avoues par ici, il n'y a plus de chaleur, puis il n'y a plus de froideur. C'est la vibration. Lui, c'était un petit peu de même, malgré que c'est moins qu'elle. Parce que lui, il a un côté froid, puis dans le fond, il a un côté chaud. Parce qu'elle est constante froide. Fait faut qu'on apprenne à aimer avec le mental, avec l'intelligence, et non avec les sentiments ou avec l'astral, avec. Voilà ce que je veux dire. Faut que ça soit bien abstrait. Fait qu'il y a du monde qui sont faciles à aimer gros tout, c'est un tout tout. T'sais. Mais faut que tu puisses t'amener ici. T'sais. Il y a du monde qui sont faciles à aimer. Comme lui, il est facile à aimer. C'est un toutou. Facile à aimer. Ils ont tellement des belles personnalités ici. C'est tellement des belles vibrations. Facile à aimer. Ils sont pas froids, ils sont chauds. Faut qu'on puisse aimer les gens froids comme on puisse aimer les gens chauds avec la même intelligence. Faut que mon intelligence, moi, puisse aller autant vers elle qui est froide que lui vers lui qui est chaud. Parce que dans l'intelligence, c'est neutre. Ça prend le négatif puis le positif. Puis ça fait une combine. Tandis que tant qu'on n'est pas dans notre intelligence, mais on va bien plus tendance à aller vers lui qui est chaud qu'elle qui est froide. Ça reste la sphère des deux bords. Puis on peut rien faire sans terre si on va avec les gens chauds, puis qu'on va pas vers les gens froids, parce que les gens froids ont une qualité qui fait partie de leur froideur, comme les gens chauds ont une qualité qui fait partie de leur chaleur. Un autre exemple, Michel Daviaud, c'est frais. Si tu l'aimes vite, là, il n'y a plus de froid, il n'y a plus de chaud. Il y a des gens qui n'ont pas tendance à voir Daviaud, à aimer Daviaud dans le mental, parce qu'ils aiment encore là, au niveau du corps astral. Parce que c'est évident que Daviaud, il est frais. Si tu aimes au niveau du corps astral, ben, elle est frais. Les gens sont plutôt chauds que froids. Les gens froids, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a un certain nombre pour un certain nombre de fonctions. Alors, les gens froids, il n'y en a pas beaucoup. Puis vous allez rencontrer du monde tant qu'ils sont froids. Mais tu comprends? Froid, un petit froid, ça veut pas dire 9% personnalité. Non, non, non, mais elle Un petit froid, c'est n'est pas sans personnalité. Hein. Froid, ça veut dire très individualiste, individualisé, très. Comme, bon, donne un exemple. Moi, je suis un homme très froid. Je peux être très froid comme je peux être très chaud. Moi, je peux sortir, je peux jouer le jeu du chaud puis du froid à cause de ma fusion. Fait que je peux créer n'importe quelle personnalité que j'ai besoin de mon travail. Si je t'as pas de même, mais je serais attiré plutôt avec des gars comme lui que comme elle, ou soit des gars ou des personnes comme elle plutôt que comme lui. J'aurais une tendance, tu verrais que c'est plutôt d'un type de personnes qui sont avec moi qu'un autre type de personnes, tandis que c'est une multitude de types de personnes. Ça fait partie de l'intelligence. Il faut qu'on puisse se lier dans l'intelligence avec une multitude de personnalités, parce que ce sont ces diverses personnalités qui recevront leurs divers quotas d'énergie de l'intelligence pour faire ce qu'on en fait plus tard. Tu vas dans ton intelligence, tu perds-tu ton chaud, ton froid que tu avais quand tu étais dans la personnalité? Quand tu rentres dans ton intelligence, si tu es à chaud, si tu es à chaud, tu peux devenir plus chaud, puis si tu es à froid, tu peux devenir plus froid. C'est ça. Tu peux être les deux. Quand tu rentres dans ton intelligence, c'est comme si t'es plus emprisonné par ta personnalité chaude ou ta personnalité froide. Tu peux passer d'un à l'autre. D'un à l'autre, d'un à l'autre, d'un à l'autre. Ce que je voyais, c'est comme un genre de neutralité. Est-ce qu'à ce moment-là, tu peux avoir autant de contact avec C'est ça. Exactement. Exactement. Plus. ni par les gens qui viennent vers toi, Non, ni par non, non, non, non. d'aller vers ça. C'est ça. Plus ton rôle dans le cadre de l'intelligence est vaste, mais plus tu es obligé d'aller d'un bord, d'un extrême à un autre extrême. Moi, je suis un bon exemple de ça. Sans ça, ça serait tous des gens spirituels, tous des gens. Ça, tous les comme tu veux, les écoles. Et pour résoudre ce problème-là, c'est pas facile sur le plan humain de résoudre ce problème-là. Parce que tant qu'on n'est pas fusionné, on est encore

Parce que la personnalité a tendance à couvrir, a tendance à couvrir l'intelligent. Personnalité. Si t'es froid, l'intelligence, elle reste en dedans, elle sort pas. Il n'y a pas beaucoup de communication. Elle reste en dedans. Si t'es chaud, si t'es trop chaud, ben, elle passe trop. Il y a comme une balance qui se développe éventuellement. Puis souvent, la personnalité froide elle va être plus tendance. Pardon, la personnalité chaude aura plus tendance à répandre l'intelligence autour d'elle. Puis comme elle n'est pas encore perfectionnée, cette personnalité-là, il y a trop de jasette pour rien. Fait que tu comprends que ceux qui sont plutôt froids vont dire une perte d'énergie. Davio qui va rencontrer une personnalité trop chaude, ben, c'est du jasard. Il a raison! La personnalité chaude va dire, mais Davio, il n'est pas approchable. Il a raison. Si les deux personnalités ont raison, jusqu'à temps que les deux personnalités s'ajustent, ils fonctionnent tous les deux à intelligents. Fait que c'est subtil. Bien subtil. Parce que ce qui convient à la personnalité froide et à la personnalité chaude, c'est toujours l'équilibre dans le langage. L'équilibre. Pas trop parler pour rien. L'intelligence, ça parle pas pour rien. Quand ça parle, ça jase pas pour rien. Il n'y a pas de perte d'énergie dans la personnalité chaude ou les personnalités froides quand elles sont ajustées. Là, c'est plaisant parce que tu bénéficies de différents types. Et à l'intérieur de ça, ben, tu as toute une gamme là, entre les deux. Une qui a une belle personnalité, c'est Chiasson. Elle est ni chaude ni froide. Ou elle peut être chaude, puis elle peut être froide. Elle peut faire les deux. Mais les gens qui sont en gros dans le froid ou dans le chaud ne sont pas arrivés encore au milieu. Oui, c'est parce que je vous connais, quand vous connaissez. J'ai le plaisir de vos personnalités. Mais vous autres, un jour, il faut que vous ayez le plaisir de vos personnalités. Puis là où les personnalités se perdent, c'est quand les personnalités parlent d'eux-mêmes. Qu'elles soient chaudes ou qu'elles soient froides. Ça, c'est l'erreur de toutes les personnalités. Se raconter. On se raconte. C'est facile pour nous autres de se raconter. C'est plus difficile à un ego d'être silencieux qu'être parlant. Malgré que c'est plus difficile pour certains égos de parler que d'être silencieux. Parce qu'être silencieux puis rester dans ton... que tu sois chaud ou froid,